On va parler avec notre ami Simon Gaudreau des Aigles de Roberval. La dernière fois qu'on lui a parlé, il était à Cowansville. On va parler avec notre ami Simon du tournoi. Il est au tournoi à Roberval en fin de semaine. Salut Simon. Salut, Danny. Simon, évidemment, d'abord, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais à Cowansville. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé assez difficilement, là. Dans le fond, on a eu énormément de blessures. On a eu des suspensions également, Benjamin. On a affronté deux bonnes équipes. Dans le fond, on a eu une défaite de 7-1. Et ensuite de ça nous a amené à jouer contre un gagnant. On a perdu, dans le fond, notre troisième match 8-1. Donc, on est éliminé à partir de ce moment-là. Donc, on a remboursé le chemin et on est revenu à la maison. OK. Donc, et les suspensions, c'est quoi? Ça va-tu durant les matchs? Ça va-tu durant... Parce qu'étant donné que c'est un tournoi, Ouais. comment ça se passe? Donc, on a eu un joueur de suspendu pour coup de bâton pendant le match, dans un match Benjamin. Donc, il y avait un match. C'est arrivé lors du match numéro 2. Donc, lors du match numéro 3, notre jeune a été suspendu là, pour le dernier match du tournoi. OK. Et j'imagine on n'était pas nécessairement content de la manière, parce que dans l'ensemble, est-ce que vous aviez l'équipe pour aller loin dans ce tournoi-là? On avait comme objectif de participer au tour, ben, de participer au tournoi dans le sens que c'était le troisième match qui faisait foi de tout. Donc la moitié de la ligue était éliminée après le troisième match de tous et chacun. Donc nous, on voulait comme premier objectif faire partie de la moitié de la ligue qui avance dans le tournoi. Qu'est-ce qui a pas été réalisé? Non, on n'était pas contents de nos jeunes. Nos jeunes ont vraiment été, on les semblait fatigués. C'était la première fois de l'année, ben, comme toutes les autres équipes également, que c'était deux matchs dans la même journée, un troisième match en 24 heures. Donc, on a senti vraiment un épuisement, un manque de concentration, un manque de vigueur. On n'a vraiment pas reconnu notre équipe qu'on avait d'habitude, qui jouait avec ses valeurs, qui travaillait, qui était structurée. Là, c'était vraiment, là, ils étaient comme laissés à eux-mêmes, puis c'était un match vraiment difficile, là, voilà. Donc, si on parlait maintenant des autres équipes. Les deux autres équipes étaient en action à Jonquière, dans un programme double, et les deux ont subi des défaites serrées. Un bon effort dans l'ensemble. Encore une fois, en cadet, on a eu des suspensions, des blessures. Donc là, on est en voie de guérison pour le tournoi qui s'en vient justement, qui commence demain. Donc on a mis ça derrière nous. Le lendemain, ça jouait à Roberval. Le cadet s'est incliné au compte de 5 à 0. Puis le juvénile, on laissé une bonne note en gagnant 4 à 2. Un très bon match. Donc là, les deux équipes ont eu des entraînements cette semaine, puis se sont fixés des objectifs pour le tournoi qui s'en vient, là, qui débute déjà demain. Donc là, vraiment le focus est au tournoi. OK. Parlons-en du tournoi. Ça débute demain dans le secteur de Roberval. Il y a 16 équipes, c'est ça? Oui, exactement. Il y a 16 équipes là, de partout au Québec qui se déplacent. Ben, donc 14, là, si on enlève nos deux équipes en cadet, une équipe en cadet et une équipe en juvénile. Le tournoi débute demain à compter de 11h30. C'est Cardinal Leroy là, qui débute le tournoi contre le Bleu et Or d'Arvida. Nos équipes, nous, vont être en action en début de soirée. Nos cadets vont jouer à 18h35 contre le Collège Bourget. Et à 20h, c'est Roberval qui joue contre l'équipe d'Esther Blondin, secteur Montréal. OK. Donc, est-ce que c'était eu de la misère à trouver des bénévoles? Non, vraiment pas. Non? En fond, c'est un tournoi de notre école au sein du RSEQ. Moi, je mets la main à la pâte. La direction de notre école met la main à la pâte. Les enseignants de l'école viennent donner du temps du bénévolat. Donc, on a une très bonne relation avec la ville de Roberval, l'hockey mineur de Roberval. Donc, dans ce sens-là, ça va super bien là, par rapport aux installations qu'on a, puis par rapport au plan qui est fait là, pour accueillir les équipes. Donc, on est convaincu que on va être en mesure de bien accueillir nos équipes, que ça va être un beau tournoi, que tout le monde va trouver son compte, et puis on espère des résultats positifs pour nos équipes sans nécessairement gagner, mais on veut que nos équipes réussissent à performer dans le tournoi chez nous. OK. Dis-moi, si on parlait un peu, y a-tu des prix d'entrée? Y a-tu quelque chose? Tout est totalement gratuit. OK. C'est entrée gratuite pour tous. Vous venez, vous allez voir du bon hockey. Les gens qui vont venir vont voir du bon hockey sur la glace. C'est du hockey qui est très structuré. C'est du hockey propre. Il y a beaucoup de valorisation sur les points éthiques au niveau scolaire. Donc, ça va vraiment être du beau hockey là, en fin de semaine à Robert-Val. OK. Donc, on se reparle jeudi prochain, Simon? Ça marche. Voilà, c'était la chronique des Aigles de Robert-Val avec Simon Godreau.